commencer ma présentation. Ma présentation, c'est, j'ai conçu de sorte à faire l'introduction, à par après, à se mettre ensemble puis bricoler avec les données. C'est plus dans un aspect, justement, vraiment explorer les données. Dans le sens, je suis parti d'un jeu de données sur un sujet que je ne connais pas vraiment, c'est-à-dire des arbres. Et je me suis dit, je vais essayer de enrichir ces données-là, qui sont des données de la Ville de Québec, avec diverses sources de données, pour essayer d'en faire quelque chose de fun. C'est le début d'un projet que je vois quand même beaucoup plus grand, que j'aimerais un jour qu'on puisse prendre un arbre de la ville en photo, puis que ça nous dise c'est quoi. Et où est-ce qu'on retrouve d'autres arbres de la même espèce dans la Ville de Québec. Ce serait un grand projet, mais ça, c'est la première exploration que j'ai faite avec mes données pour juste voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis qu'est-ce que je peux faire, puis qu'est-ce qui existe aussi comme source de données ouverte que je peux enrichir ces données-là. Donc, l'idée, c'est vraiment enrichir les données à l'aide d'un catalogue de données ouvertes et d'interfaces de programmation publique, des API et des données ouvertes. Le jeu de données que j'ai utilisé provient du catalogue de données de la Ville de Québec. Et c'est des données sur des arbres répertoriés. Ils sont disponibles en licence créative commune attribution. Et quand vous citez des données ouvertes, il faut vous citer la licence sur laquelle les données sont publiées. Dans mon document, j'ai cité les données bon format. C'est ce qu'on appelle une attribution. C'est justement juste de dire mes données, je les ai pris de telle place et la licence. Moi, je ne suis pas contraint de publier sur la même licence que eux. Vas-tu partager cette page-là? Oui, je vais partager l'adresse. C'est hébergé en ce moment sur mon GitLab, mais je vais partager toutes les sources sur la page du Meetup. Donc, première chose, je vais savoir c'est quoi les variables que j'ai dans mon jeu de données. Donc, je les ai énumérées ici. Tout ça, j'ai fait ça en R, un langage de programmation R. Fait qu'on voit ici, j'ai le verbe qui s'appelle type lieu, j'ai l'attitude ici, j'ai le nom, j'ai le type d'arbre, le diamètre, la position de la mesure, ça, la Ville de Québec l'explique, soit que la mesure a été prise à la souche de l'arbre ou à la hauteur poitrine de la personne qui l'a pris. Fait que c'est comme environ à 1,50 m, on va dire. Après ça, est-ce que l'arbre est multitronc? Est-ce que c'est un arbre qui est parti comme l'arbre qu'on voit d'ailleurs là-bas, dehors à l'extérieur? C'est un arbre qui a deux troncs. Il est peut-être dans notre base de données, justement. La date qui a été plantée, si c'est un arbre qui a été planté. La type de propriété, est-ce qu'il est sur un terrain public? Est-ce qu'il est sur un terrain privé? Est-ce qu'il est partagé public-privé? On a la. Longitude, latitude, ça ici non, c'est le nom latin, c'est pas la latitude. Latitude, longitude. C'est le nom latin, je pense. Ouais, c'est le nom latin, exactement, c'est ça. J'aurais dû mettre le dictionnaire à côté, c'est la vérité. Je vais juste voir un peu à quoi ressemblait mon jeu de données. Donc maintenant, j'ai regardé un peu justement à l'intérieur de chacune, quel type de variable je retrouve. Fait que certaines variables, ceux qui n'avaient pas beaucoup de valeurs différentes, je les ai toutes mises. Les autres, j'ai juste affiché les valeurs les plus fréquentes. Donc, type lieu, une voie publique, un lieu public, ou on ne sait pas. J'en avais une donnée que je n'ai pas cette information-là. Et le nom, j'en ai un nom latin ici. J'ai les noms latins les plus fréquents dans le jeu de données. Le nom en français, même chose. On s'entend, c'est les mêmes. Le type d'arbre, un feuillu, un conifère ou un nom disponible. Position de mesure, c'est ça que j'écrivais, c'est comme hauteur poitrine, hauteur souche. M, c'est la moyenne si il y a un multitronc, fait que c'est la moyenne des diamètres. Et encore une fois, j'ai des valeurs vides. L'indicateur de multitronc, si on additionne ça ici, ça devrait concorder à peu près avec ça. Toujours des petites erreurs dans les jeux de données. C'est le fun justement des expériences qu'on compte que des fois, c'est l'incohérence. Justement ici, le type de propriété, public, privé, office municipal, habitation, frais partagés, commission scolaire, parc, compagnie. Le type de, d'endroit ce qui est, dans une rue, un parc, un îlot, avenue, boulevard, chemin, piste cyclable. Ça permet de les répertorier. Bon, ils ont créé une variable pour mettre le « de » qui est dans le milieu du nom. Là. Si c'est avenue des, ben, c'est le des de avenue des quelque chose. Ici, c'est le terme, le nom de la rue, par exemple, qui va après le de. Ça, la direction de la rue. C'est la rue nord-sud, est-ouest. Et, comme on dit, indicateur topographique, le parc, les parcs surtout. Est-ce que l'arbre fait partie d'un parc? Puis là, moi, j'ai créé, après ça, pour les variables qui sont quantitatives, j'ai calculé le diamètre moyen, qui est de 100 cm ou 24 cm. Et là, on voit que j'ai des données un peu bizarres dans mon jeu de données. On aurait apparemment un arbre à Québec qui a un diamètre de 9,58 m. Et c'est là que j'ai compris que j'ai communiqué avec la ville de Québec pour leur demander si par erreur il y aurait des données en millimètres dans leur jeu de données au lieu d'en centimètres. Un arbre de 95 cm ferait plus de sens qu'un arbre de 9,58 m. Ouais. c'est le genre de choses. Genre, on explore le jeu de données, on se rend compte de ça, mais moi j'ai écrit tout de suite à la ville de Québec pour leur dire que j'avais découvert ça. Après ça, ici j'ai le minimum maximum en longitude pour. Je vais utiliser ça pour aller chercher un fond de carte pour les lettres de subvention. Et j'ai la date des arbres qui ont été plantés. Bien, j'ai les dates ici, minimum et maximum. La force ici, c'est pas vraiment la. J'ai l'impression que c'est juste une date générique qu'on a mis parce que le 31 décembre, on ne va pas vraiment planter des arbres. J'ai plus l'impression que c'est un zéro de leur base de données. Mais ça, c'était pas les données en POSIX. Fait que c'est peut-être ça qui a généré. Ouais, mais c'est 1952, ça ferait weird comme zéro. Et bon, bref, ce qui nous intéresse, c'est probablement ce qui a été planté récemment, de toute façon. Bon, c'est. OK, fait que maintenant j'ai fait une distribution du diamètre des arbres. Et comme je semblais avoir des mesures un peu étranges dans mes arbres, ben, j'ai gardé les mesures qui sont. J'ai exclu 4% des données, donc j'ai exclu 2% de mes plus petits arbres et 2% de mes plus gros arbres dans la base de données, en supposant que ça allait exclure pas mal les aberrations, les zéros, les arbres qui ont zéro et les arbres qui ont 10 mètres. J'ai fait ce ménage-là ici, et ici, j'ai créé un graphique de distribution des diamètres selon l'endroit où ça a été mesuré. Donc, je comprends que les arbres qui ont été mesurés à la souche, ben, c'est en général des petits arbres. Les gros arbres, en général, ont été mesurés à hauteur poitrine, parce qu'une souche, c'est un gros arbre, c'est peut-être pas la meilleure façon de donner une idée de l'arbre. Après ça, ici, on a encore une fois la distribution des arbres avec des doubles troncs. On voit que c'est les trois distributions ont quand même une forme assez différente. Je vois ça. Au début, j'avais juste fait une fois, puis j'ai juste splitté par cette variable-là. J'ai trouvé ça intéressant de voir que okay, peut-être une raison qui explique pourquoi que les arbres sont mesurés différents à cause de distribution-là. Les dates qui ont été plantées, que j'ai séparées en conifères et feuillus parce que conifères avaient très peu, fait qu'ils disparaissaient dans le lot. On voit qu'ici, justement le zéro, ça devait être l'espèce de 1952. Les arbres ont été plantés en général à partir de 1985. Les arbres qui ont été recensés, fait qu'on doit supposer que les arbres qui ont été plantés avant 1985, ben, cette donnée-là est manquante. Ça me donne une idée de les arbres qui ont été plantés et recensés. Et on voit qu'il y a aussi deux pics. Autour de l'an 2000, c'était peut-être moins. Peut-être moins dans la plantation. La dernière base, c'est 2016. Oui. Ah non, ça ne peut pas, ils ne plantent pas dans l'an 2000. Ben, c'est des arbres dans le futur. Ouais, c'est ça. C'est des arbres qui ont probablement prévu planter, mais qui savent déjà combien ils mesurent. sont dans la pépinière. C'est ça. Il y a des choses bizarres dans le données. Il y a beaucoup qui essaient de donner, il y a toujours un pourcentage d'erreurs. C'est rarement en bas de 10%. C'est à moins que quelqu'un ait passé dessus. Là. Non, c'est hallucinant. Tu dis, ah, ça va être clean. Là. Non, c'est. Ah oui, 10%. C'est 90% de bonnes données, c'est un bon adresse. Non, c'est ça. Mais lui, c'est ça, j'étais quand même. Je vois ça intéressant, là. J'ai pas. Les arbres, ils sont tous sur le territoire de la ville de Québec et environ, là. Ça m'a pas pigné un arbre à quelque part d'une place bizarre, là. Ça, c'est au moins correct. Des fois, tu as juste inversé latitude, longitude, puis ici, on tombe en Antarctique automatiquement quand on inverse les deux. Souvent, quand tu vois les données, c'est qu'ils vont, ils les mettront pas dans le bon ordre. Fait, quand tu les cherches sur Google, tu arrives toujours en Antarctique. Ça, tu le vois quand ça n'a pas été mis dans le bon ordre. Il mêle longitude, latitude. Fait que... On est au date. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? C'est que je me suis dit, j'ai les noms latins des arbres. Et moi, un nom latin, ça ne me parle pas vraiment, mais je me suis dit, mais un nom latin, ça permet d'aller chercher toute la. Du descriptif. Tout le descriptif, dans le fond. Des catégories, différents niveaux de catégories qui existent pour décrire des arbres, l'espèce, la famille, tout ça. Je connais pas vraiment ça, mais je me suis dit, oh, ça peut être intéressant de utiliser le nom latin. Fait que j'ai trouvé une base de données qui s'appelle ici le Global Biodiversity Information Facility, qui est une base de données qui est vraiment énorme. C'est géré par un organisme au Danemark qui contient en ce moment 150, presque 152 millions de points ou de recensement d'animaux, dans le cas des animaux. Fait que si on est 152 millions de points de données, de 1 million, presque 1 million, ou plus de 1 600 000 espèces dans 15 000 jeux de données, fait qu'on a de presque 800 sources différentes. Fait qu'on a une énorme base de données sur la biodiversité. Je me suis dit, je vais sûrement être bon pour trouver mes arbres de la ville de Québec là-dedans. Donc, ce que j'ai été voir, c'est que ce site-là offre, des jeux de données, mais offre aussi une interface de programmation, un API. Ce ne sera pas long, ça va changer. Donc, ils ont un API REST qui est vraiment difficile à utiliser. En général, REST, quand c'est bien documenté, ça va bien, c'est un URL, HTTP, tout ça. On écrit cette URL-là et ça nous retourne du JSON. Et il y a justement ici, pour les espèces, j'ai une documentation. Et j'ai pour chercher des noms, j'ai exactement ce que je veux. Je vais chercher les noms d'espèces. Je vais chercher species, je vais utiliser la syntaxe qui est écrite ici avec species. Species search. Et là, j'ai une recherche plein texte. Et j'ai utilisé cette propriété-là dans mon code ici. On voit ici, j'ai utilisé species. Là, j'ai utilisé match, parce que match, vu que j'avais un nom latin déjà, je n'avais pas envie de faire la propriété. Et ici, je mets le nom, et X contient mon nom latin. J'ai créé cette fonction-là qui génère l'URL. Ici, vu que les noms latins ils ont des espaces dedans, puis vu qu'il faut que je construise une URL, ben, j'ai écrit une fonction tout simplement qui remplace les espaces par les plus, qui est la syntaxe utilisée dans les URL. Je suis sûr qu'il y a une fonction qui fait ça toute seule, mais je ne l'ai pas trouvé, donc moi je suis fait tout. Et aussi, des fois, il y avait deux noms à côté de l'autre, fait que j'ai conservé le premier. Après ça, ben, vu que je fais un appel à une interface externe, un API, une chose qui est importante à faire, c'est que là, j'ai 124 000 points de données. Je ne veux pas toutes les faire. Fait que c'est important d'aller chercher les valeurs uniques avant de faire notre appel. Si j'ai une fonction qui va chercher mes valeurs uniques de nom latin, avant de faire mon appel à... Là, ici, je construis mes URL, puis ici, ben là, je l'ai mis en commentaire, mais c'est ici que je fais mon appel à... j'appelle mon URL pour aller chercher le données JSON. Mais là, je ne le ferai pas parce que ça m'a pris quand même 20 minutes à rouler. Fait que j'ai sauvegardé le jeu de données que ça a donné dans un format pour le réutiliser. Fait que ça, je l'ai juste fait une fois, j'ai sauvegardé. Fait qu'après ça, j'ai plus besoin de réutiliser parce que je le charge ici, lui que j'ai sauvegardé. Puis ça, ben, je l'ai mis en commentaire. Fait que ça, c'est le genre d'étape qu'on fait juste une fois, on ramasse les données chez nous pour. On interroge seulement une fois là, la base de données. Après ça, ben, étant donné que j'ai été chercher les noms uniques, ben, il faut que je les rejoigne aux données sources. Fait qu'ici, j'ai travaillé un petit peu le JSON, puis comme ça ne me donnait pas toujours la même quantité d'informations pour chaque requête, il y en a qui ne me retournaient rien, il y en a qui me retournaient OK, on a trouvé le nom, mais on n'est pas vraiment sûr de ce que tu veux, fait que ça me retournait une quantité variable d'informations. Donc, pour mettre toute cette information-là ensemble, j'ai créé une petite mécanique ici qui, essentiellement, ce que ça fait, c'est que ça aligne les colonnes ensemble pour créer un tableau en tenant compte des valeurs manquantes. Là, François me regarde en disant « Ouais, mais tu peux tout faire ça dans Talents avec des points de clic. » C'était écrit puis ça clignotait. Écoute, ça prendra toujours du monde qui me connaît. Ben, moi, ça me prend pas de temps à faire ça. Je suis tellement habitué de travailler avec ça que ça se fait super bien. Mais bon, j'ai créé une mécanique qui joint toutes mes données ensemble. Après ça, ici, c'est là que je les merge toutes ensemble. Un jeu de données. Et après ça, une autre chose qui m'intéressait aussi, c'est que j'aimerais ça avoir la photo. Une photo de ces arbres-là, à quoi ça ressemble pour chaque espèce. Donc, ça donne que dans le pays de GBIF, ils ont des références à Wikimedia. Donc, pour chacune des espèces recensées, ben, pour la plupart, pas pour toutes, ils ont mis un lien vers la page, vers l'image sur Wikimedia correspondant à l'espèce. Donc, je réutilise ici Species. Je remets ici la valeur qui m'a été retournée. Chaque espèce a un identifiant unique. Ma requête précédente m'a donné ce numéro-là. Je réutilise le numéro et ici, après ça, j'ai Media. Ça, on retrouve ça probablement un peu plus bas. C'est des informations que ça nous retourne. Ici, médias. Ici, j'ai médias, ça liste tous les médias pour une espèce précise. Donc, c'est ce que j'ai ici. Donc, ici, je vais chercher le média, ça me retourne un document JSON, encore une fois, dans lequel il y a l'URL qui m'intéresse. Donc ici, j'ai une petite mécanique, je vais chercher l'URL de la photo. Des fois, il y a plusieurs URL aussi, fait que je vais juste en garder une. Fait que la variable s'appelle source. Il y a identifier et l'identifiant. Après, il y a certaines descriptions aussi, la licence. Chacune des photos a sa propre licence, c'est des données publiques, mais elles ne sont pas toujours publiées avec la même licence. Donc, pour chaque arbre, j'ai la licence qui va avec la photo. Fait que j'ai ça dans mes données. Et après ça, je joins toute cette information-là à mon jeu de données pour l'enrichir encore plus. Tantôt, si vous voulez voir vraiment visuellement à quoi ressemble le jeu de données, on ira dans mon code. Je vais juste montrer la mécanique pour arriver à la fin. J'ai fait de quoi de cool à la fin, mais pas juste du code. il y a de quoi de beau à faire avec ça. Donc maintenant, je voulais avoir les géographies de la ville. Donc on a les quartiers à Québec et on a des arrondissements qui sont disponibles en format shapefile, qui est un format commun pour des polygones géographiques. Donc, j'ai été chercher les données en shapefile. Ici, j'ai une fonction qui permet de lire. Un shapefile, ça retourne toujours un ensemble de fichiers dans un dossier. Donc, je lis le dossier et je le transforme avec la projection et toutes ces informations de référencement géographique qui sont fournies par la Ville de Québec. La Ville de Québec fournit leur description. Là, ici, je la transforme pour que toutes mes données soient dans le même référencement géographique. pour que je puisse les superposer sur le cadre. Donc, j'ai fait ça pour les quartiers, j'ai fait la même chose pour les arrondissements. Et ici, j'ai une petite mécanique pour aller chercher, associer la longitude, latitude dans chacun de ces jeux de données-là pour les transformer dans ce qui s'appelle un jeu de données géoréférencé. C'est une notion que dans le logiciel R, que tu peux avoir un jeu de données régulier et lui dire « ça, c'est mes coordonnées, donc ça géoréférence ». Et à partir de ça, après ça, on peut faire des calculs directement à partir de géoréférencement. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est aller chercher l'arbre le plus courant, le plus fréquent dans chaque quartier, qui a une photo. Fait que je vais avoir cette requête-là. Donc, j'ai été chercher tous ceux que j'ai le nom du quartier, parce qu'il n'est pas toujours là, et tous ceux aussi que j'ai une photo. Et j'ai ressorti ici la liste pour chacun des quartiers de la ville. J'ai son nom et j'ai sa fréquence. On voit qu'on a quand même, ça revient souvent, on a des arbres ici à Québec les plus fréquents. On les trouve ici. Et j'ai fait pour chacun des quartiers de la ville. Et après ça, bien, étant donné que j'ai justement été chercher la URL de photo, ben, j'ai été chercher une photo pour chacun. Fait que oui, vous allez voir souvent les mêmes photos parce qu'on a souvent les mêmes arbres, mais l'idée était juste de montrer que c'est possible de faire pour chacun. Et je vais passer vite parce qu'on a plein de photos. À cap rouge, l'arbre le plus commun, il ressemble à ça. Lui, est vraiment énorme. Quartier Chute Montmorency, je pense que je vais rater ça. J'ai pas inclus du code pour formater mes photos. Okay. Je vais descendre plus vite, là. Ça donne une idée de chaque arbre dans chaque quartier. J'aurais pu faire de quoi de plus friendly que ça. Quand on fait de l'exploration, on n'est pas en mode produit fini. Là. On veut. Donc maintenant, je me suis dit, je vais mettre ces arbres sur une carte. Donc, j'utilise mes longitudes, latitudes que j'ai développées, que j'ai extrait de mon jeu de données. Je vais chercher le range, le minimum, maximum que j'ai fait tout à l'heure. Et ici, j'ai un code qui va me chercher un fond de carte sur OpenStreetMap. Donc, la fonction s'appelle getMap. Je lui donne les quatre coins, donc en longitude, latitude, les quatre coins de ma carte. Et je lui dis, j'ai un paramètre ici, zoom, qu'il faut un peu jouer avec pour avoir la carte qu'on veut. Mais en général, ça donne entre 110 et 13, dépendant de la précision qu'on veut. En fait, c'est le nombre de fois qu'on clique sur le petit plus sur OpenStreetMap, essentiellement. Et ici, ma source est OpenStreetMap. Donc, cette fonction-là va me chercher un fond de carte sur OpenStreetMap en format PNG. Donc, je sauvegarde ma carte ici parce que je ne tente pas de le refaire toutes les fois. Mon fond ne changera pas. Et je crée un objet ici avec un package qui s'appelle GGMap. Donc, dans R, il y a des packages. Il y a un package qui s'appelle GGplot qui est un package vraiment populaire pour faire. Des graphiques et développé à partir de ça, il y a un package qui s'appelle GGMap qui permet de créer des cartes avec un langage qui est assez standardisé. Donc, c'est ce que j'ai utilisé ici. Si je me crée une base vraiment de cartes et ce que j'ajoute, c'est les densités d'arbres pour. Enfin, ici, j'ai juste pour toutes les données ensemble, j'ai les densités. J'ai donné un range de couleurs, donc de bleu, c'est que c'est peu, il y en a peu, puis la plus grosse densité va être en rouge. Et ici, si je prends tous mes arbres et je les place sur la carte, ça me donne c'est ici. Ça me permet de voir où c'est pas nécessairement où il y a le plus d'arbres, mais c'est où il y a le plus d'arbres qui ont été recensés et documentés. Donc, on voit qu'on en a beaucoup dans les quartiers centraux. ici. C'est ici là qu'il y a le plus d'arbres qui ont été recensés, mais c'est pas nécessairement là qu'il y en a le plus non plus. Là. Que ça nous donne une idée du un portrait du travail qui a été fait. Puis on voit que, ben oui, ils sont tous dans la région de Québec. J'ai pas le point place étrange. Après ça, je me suis dit, j'ai été chercher dans les arbres, justement, Internet, j'ai été chercher des nouvelles données dans la base de données ici, GBIF. J'avais l'espèce, mais j'ai maintenant quelque chose qui s'appelle l'ordre, qui est quelque chose de plus général en les types d'arbres. Ça m'en donnait moins de valeur. Je me suis dit que ça pourrait être une façon de recouper les arbres pour voir comment ils sont dispersés. Donc j'ai refait la même carte pour chacun des ordres. C'est l'ordre dans la hiérarchie des espèces végétales. Donc ça me permet de voir où ils sont localisés chacun sur la carte. Donc c'est quand même assez. On va trouver un peu de chacun des types d'arbres un peu partout où ce que les arbres ont été recensés. Il n'y a pas vraiment de. On voit qu'ici, il y en a plus. Ici, c'est peut-être plus concentré sur la ville. Ça nous permet de voir quand même que c'est quand même une bonne répartition. Dans 2-3 points, Hérodin, c'est concentré partout sur Québec. Parce que tu avais pris les extrêmes de l'altitude. Tu veux dire. En théorie, on serait zoomé sur. Dans le fond, il serait centré. Non, ça c'est à cause de mon zoom. Quand j'ai cherché la carte sur OpenStreetMap, je ne l'ai pas redécoupé en main après. C'est une tuile d'OpenStreetMap, c'est une tuile. Ça ne permet pas de. C'est pas comme dans Google Maps, dans il centre sur ton point. Non, mais c'est la tuile c'était celle-là. Okay. La tuile qui avait tous les points, ça correspond à celle-là. Si je zoomais, je pense que je coupais ça coupe en 9, je pense quelque chose comme ça. Fait que là, j'avais pas tout. Fait que c'est une contrainte de OpenStreetMap. Je pense que c'était plus une contrainte de ma fonction que j'utilise. Mon package que j'utilise, lui, il utilise probablement juste un découpage très de base. Puis c'est cette tuile-là qui va me chercher. Fait que oui, ma tuile est plus grande que le domaine de valeur que j'ai. Qui correspondait vraiment au. Si on fait un carré, c'était vraiment ça. Mais bon, ça va chercher la tuile là plus près. Ça me donne une idée. Après ça, les arbres, j'ai été chercher juste le nombre d'arbres par quartier. Donc. Si je me crée des fonds de carte, dans le fond, quartier et arrondissement. Mécanique de création de graphique, la fonction de ggplot a énormément d'arguments qu'on peut lui ajouter. Je prends mon fond de carte, je lui ajoute une facette. Les facettes, dans le fond, c'est quand on veut séparer justement en plusieurs graphiques selon les valeurs d'une variable dans notre jeu de données. Donc ici, je fais une facette par quartier, ici, je fais une facette par arrondissement. Et le reste, c'est les titres de mon graphique. Et une chose que je voulais faire, c'est que la réalité dans le monde open source, c'est que des fois, certains projets sont leadés par une seule personne. Et quand cette personne-là a des idées qui lui passent par la tête de tout changer dans son package, les packages qui dépendent de celui-ci souvent ne fonctionnent plus avec. Donc ce que je voulais faire, c'est que j'aurais aimé mettre un graphique sur ma carte. Mais le package qui permet de faire ça, là il a fallu que j'aille chercher dans des anciennes versions et tout ça. Fait que ça n'a pas été possible. Fait que j'ai mis la carte. Puis là, je vous demande votre imagination pour remettre les graphiques par-dessus la carte que j'ai mis en dessous. Fait que c'est la carte de tous les quartiers de la ville de Québec. Puis ce que tu rajoutais, c'est. Et en dessous, j'ai les graphiques que je voulais mettre dessus. Je les ai mis en dessous. C'est la distribution de chacun des ordres. Ça s'appelle l'ordre pour chacun des quartiers. Mais ce que je voulais faire, c'est que je voulais initialement mettre ça sur la carte. Mais bon, ça fait partie de des joies et des plaisirs de l'open source que des fois, il y a des gens qui décident de changer plein de choses sans parler à personne. Et quand tu es en train de programmer ça une semaine avant ta présentation, ben, tu n'as pas le temps de tout aller chercher la hiérarchie, le package avant. Fait que, comment tu fais ton découpage avec des quartiers? Ici? Tu vois, je suis juste curieux de voir comment tu as fait ça. J'ai un projet avec la carte électorale. On pourra creuser un peu plus en détail tantôt. C'est que j'ai fait le tantôt. Yeah, ça vient d'un bout de code que j'ai copié de je ne connais pas toute la mécanique dedans, mais c'est ça, ça vient du shapefile. Après ça, converti les shapefiles. Après ça, il y a un taponnage à faire dans le shapefile avec ces fonctions-là ici. Que je ne peux pas vous dire que je suis super à l'aise avec ce que ça fait, mais ça taponne dans le fichier. Ça et après ça, ici, j'ai justement ggplot cette fonction-là. J'ai longitude, latitude, puis après ça, j'ai mon quartier. Et ici, le blanc qui sépare les quartiers, cette variable ici. Donc, c'est de jouer avec ça. Ici, c'est un bout de code justement que j'ai repris de quelqu'un d'autre et que j'ai adapté. Donc, tu as ton remplissage puis le contour. Ça fait que le remplissage est ici. La couleur est déterminée par la fonction. Quand tu ne lui donnes pas de couleur par défaut, il crée un arc-en-ciel. Ben là, c'est en ordre alphabétique. Fait que j'ai un arc-en-ciel en ordre alphabétique des quartiers. Mais c'est possible de spécifier les couleurs exactement pour chacun. On pourrait un peu j'aurais pu mettre un dégradé de juste une sorte de couleur. Il y a un package qui s'appelle Air Color Brewer qui permet d'utiliser des palettes de couleurs prédéfinies. Il y en a qui sont définies pour les daltoniens. Il y a plein de palettes possibles. Ici, ça les graphiques ici, c'est encore là, j'ai utilisé facette sur le quartier. J'ai ici ma facette sur le quartier de l'arrondissement. Donc, idéalement, il y a une fonction qui s'appelle ggsubplot qui permettrait de prendre chaque graphique et de le mettre sur la carte, mais il y a une incompatibilité dans les paquets en ce moment qui n'a pas été corrigée. J'ai fait la même chose ici par arrondissement, les arrondissements, et j'ai des distributions de chaque ordre par arrondissement. Et je n'ai aussi que, ben, on ne sait pas c'est quoi l'arrondissement, c'est une donnée manquante. Donc, j'ai quelques arbres ici qui ne sont pas localisés. Même chose, j'avais la même chose ici aussi pour. Au niveau des quartiers, j'ai des valeurs manquantes. Probablement qu'un exercice pourrait être de prendre les coordonnées GPS de chacun de ceux-là et d'aller remplir mon jeu de données. En trouvant dans quel quartier qui fait qui est pour replacer ceux-là que j'ai pas réussi à mettre dedans. C'est probablement que les coordonnées ont des erreurs dedans, des choses comme ça. Ou qui tombaient à une tête là-dedans qui sont à Ancienne Lorette aussi. Okay. L'arbre est du bord d'Ancienne Lorette. Ouais. Ou à Notre-Dame, ah, quelque chose de Centre-Ville. Ah oui, c'est ça ici, là. Ça, c'est. Il y a deux spots qui sont faits. Notre-Dame, c'est l'hôpital général de Québec. Oui. C'est pas partie de la ville, puis c'est impossible. Oui. Boulevard L'Angelier ici, faites juste aller où. Vous modifiez la Constitution canadienne pour intégrer ça à la ville de Québec. Oui. Là, bah, c'est ça, c'est Boulevard L'Angelier ici, au feu de circulation. Vous faites juste tourner à droite, aller au fond. Ça fait pas partie de la ville de Québec, l'édifice au fond. C'est une propre municipalité. Il y a. Techniquement, il y a un maire et il y a des conseillers municipaux, c'est juste un building. C'est un CHSLD. Parce qu'à la base, c'était religieux, c'est ça? Oui. Et techniquement, il y a un maire et il y a des conseillers municipaux, puis c'est une entité municipale complète. Mais c'est un CHSLD avec son terrain. C'est ça ici. Bon. Fait que probablement que les arbres qui sont là tombent dans. Manquant. Ici, même chose par arrondissement. Et ça complète pas mal ce que j'ai fait. C'est juste une idée de montrer comment on peut jouer avec un jeu de données et joindre plein d'informations à ça. Là, j'ai fait avec. J'ai joint deux informations au niveau géographique, qui est l'arrondissement et le quartier, qui viennent aussi des données ouvertes de la Ville de Québec. Et j'ai utilisé deux API, dans le fond, lui, de GBIF pour aller chercher des informations au niveau botanique, si on veut, ça ici. Et dans GBIF, j'ai été chercher une URL que j'ai après ça été dans Wikimedia chercher la photo des arbres. Qui t'ont permis d'enrichir tes données. C'est ça, exactement. Fait que là, j'ai des données qui étaient géolocalisées. Je leur ai ajouté des éléments plus qu'on comprend un quartier, un arrondissement. Et je leur ai ajouté aussi des descriptions biologiques, botaniques. Et j'ai une photo. Donc, tout ça avec des données ouvertes puis avec du code open source.